Bon matin à tous. Et ce matin, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici, d'amener la parole. Et c'est quand même une émotion d'être ici devant vous. Noël dit souvent, je suis un broyeur. Il parle de lui, là. Et moi, je le suis un peu, mais pas parce que c'est juste de l'émotion, mais parce qu'on se trouve devant la parole de Dieu. Et souvent, ça me vient toucher énormément. Mais ce matin, je vais essayer de me contrôler un peu, là. Et on veut vraiment affronter ensemble un thème particulier. Je vais me présenter d'abord pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon vrai nom, mon nom en italien, c'est Joelle. Mais je l'ai traduit en français pour Joël, c'est la traduction de l'italien. Donc, vous pouvez m'appeler Joël. Je suis ici au Québec désormais, ça fait déjà 5 ans. Mais l'accent, il va rester. Je me suis écouté pendant que je préparais ma prédication et je faisais comme, « Ah, ça c'est ma voix en français, c'est donc belette. » Mais l'accent, est pour moi, dans ma tête, ça sort en français. Donc, si je vois des faces qui font un peu comme, c'est parce que je pense que ça sort en français. Et je suis marié avec la plus belle femme du monde, ici en avant, Gabrielle. Je me permets de le dire parce que j'ai tout fait l'Europe, il n'y en avait pas. Je suis venu ici et je l'ai trouvé. Donc, je peux le dire que c'est la femme la plus belle au monde. Donc, est ici que ce matin, elle m'accompagne. Et une grande aide aussi. Pour commencer, ça, c'est le thème. C'est le film qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est le film de demain. Souvent, c'est un peu un film d'horreur dans nos vies. Et souvent, comme j'ai écrit à la fin, en bas, là, c'est avec les pires scénarios. Je vais d'abord vous présenter deux personnages ce matin. Mario à la gauche et Marie à la droite. Je ne vise personne, c'est juste le nom que j'ai donné à ces deux personnages-là. La scène commence avec les soupers du soir. Ils sont assis, ils mangent l'un en face de l'autre. Ils ont aussi une famille, parce qu'elle n'est pas là, on ne la voit pas. Mario et Marie ont une fille. Donc, ils sont là à la table et ils jasent, comme toute personne fait à la fin d'une journée. Ils se demandent un peu comment ça va. Et la première à commencer, c'est Marie qui demande, « Puis Mario, ta journée, comment ça a été au travail? » Et Mario commence sa réponse et dit, « Bon, ça a bien été, rien de spécial. » Les courriels, pendant qu'on travaillait, ils ont comme lâché un peu, mais en fin de compte, c'était une bonne journée. Ah oui, mon boss, il m'a appelé dans son bureau, il voulait juste savoir une chose. Et tout de suite, Marie est comme, ah, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Marie commence sa réponse. Mais Marie, là, elle n'écoute plus. Là. Dans sa tête, là, elle démarre un scénario là, que ça n'a pas de bon sens. Et commence, pendant que Marie parle en arrière, qu'on ne le voit pas, elle a dit, « Mais oui, tu as encore fait de quoi qui n'est pas correct. Ton boss, il va te rétrograder en poste de travail plate et ça va tellement te décourager que tu vas arrêter de te faire la barbe. » Après ça, là, on peut dire adieu à nos vacances parce qu'avec ton attitude, tu vas te faire renvoyer. En plus, là, nous, quand on avait des vacances de prévues, on ne peut plus faire de vacances. On peut dire adieu à nos vacances. En plus, là, tu vas rester à la maison. Tu ne vas plus rien faire sur le fauteuil. Moi, je suis obligé d'aller travailler. Moi, je suis obligé d'amener l'argent. Mais on n'aura pas assez d'argent si moi, je travaille tout seul. On va perdre la maison. On va aller vivre comme des sans-abri. Mais sais-tu quoi, Mario? Là, on n'a plus de maison. On a juste la voiture. Peut-être la seule chose à faire, la pire chose qui peut arriver, on va aller vivre chez ta mère, Mario. Et voilà. Ça, c'est le pire scénario qu'on peut démarrer dans notre tête. Ça peut des fois sembler exagéré et vraiment aller loin. Mais ça arrive. Et c'est pour ça que les demain, pour nous, c'est toujours comme un cauchemar. Et notre frère Noël me disait, les 80% des choses qu'on s'imagine, ça ne va même pas arriver. Et pourtant, on y pense pareil. Ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder un peu, à refaire un peu ce film du demain, mais à la lumière d'un passage biblique pour un peu remettre des choses en place. Ça va être Matthieu 6, 25 à 34. J'utilise plusieurs versions, donc c'est toujours la même Bible. Je veux juste vous dire que j'utilise trois versions différentes. Peut-être des mousses, on va être un peu différentes. On va lire ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de qu'est-ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et notre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez de besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, notre verset commence avec un « c'est pourquoi ». Mais qui parle? Donc, moi, j'ai souligné les « je » et les « vous » ici. Et si vous avez votre passage coloré en rouge, donnez-moi juste un instant. Si votre passage sur la Bible est coloré en rouge, c'est assez facile de savoir qui parle parce que sous certaines traductions, les rouges, c'est Jésus qui parle. Donc, mais si vous n'avez pas le passage coloré en rouge, juste de remonter au chapitre 5, verset 1, on peut le lire ensemble. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. C'est le serment sur la montagne, donc Jésus est là, est en train de parler avec les disciples, mais c'est normal qu'en arrière, il y ait toute la foule qui écoute. Donc, Jésus il envoie un message aussi aux autres. Mais vu que c'est ses disciples, on peut l'appliquer à nos vies aussi ce matin. Donc, c'est Jésus, les « je » qui parlent, les « vous », on sait c'est qui. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Ne vous inquiétez pas. On va commencer avec ça. Je vais prendre le temps d'expliquer c'est quoi les mots « inquiéter » dans la parole de Dieu. On le trouve 8 fois dans ce passage ici. Et 5 fois dans l'évangile de Luc qui parle du même événement. Au total, ça fait 13 fois, et si on le regarde dans tout le Nouveau Testament, il est juste 19. Donc, on peut prendre l'essence, la plus grande partie du sens d'inquiéter, on peut la comprendre bien comme il faut dans ce passage-là. J'ai fait mes recherches un peu sur inquiéter. Vous le voyez en grec. Ça se prononce merinmao, mais je ne suis pas en grec d'habitude. Et la définition, vous la voyez à l'écran, c'est une personne caractérisée par un malaise extrême d'esprit ou d'une crainte non fondée d'une certaine éventualité. Si on prend les verbes, celui-là, et on essaie de le traduire en français direct, la signification, c'est « bouger » ou « agiter ». Et ça m'a fait venir un exemple. Ici, j'ai un petit pot d'eau, clair en guillemets, et du sable. La signification de ce terme-là, c'est vraiment qu'on prend notre tête, qui est claire présentement, mais on commence à le brasser comme ça. Mais vous voyez que plus je brasse quelque chose, plus ça foncit, plus ça devient comme… pas clair, c'est vraiment pas clair. Vous voyez, il faut laisser ici, là. Et c'est ça qui se passe avec l'inquiétude. C'est ça que c'est une crainte non fondée. Ça bouge dans notre tête, ça agite les pensées. Et notre tête devient plus claire comme ça. C'est non fondé. Ce n'est pas une crainte sur quelque chose qu'on connaît. Il n'y a pas des données claires qu'on a dans notre tête. C'est vraiment juste des pensées qui se sont agitées dans notre tête et ont comme toutes offusqué un peu notre vision. On va continuer un peu avec la lecture. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas par votre vie de qu'est-ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Donc ici, on voit manger, vêtir, le corps associé à les vêtements et la vie associée à la nourriture. Donc on peut parler ici de besoins de base. C'est vraiment nos besoins de base, le manger, le vêtir. Mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi Jésus nous commande-t-il de ne pas nous inquiéter? On va le découvrir ensemble. Je vais vous donner 6 scènes pour changer le film du demain, pour revoir un peu notre film de demain avec des nouveaux scènes, des nouveaux données. La première scène, on la voit à l'écran parce que notre valeur est immense aux yeux de Dieu. Il commence le chapitre 6, le verset 27. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Quelle valeur avons-nous aux yeux de Dieu? Il fait une comparaison avec des oiseaux. Moi, je me suis permis de faire une petite comparaison ici. Les oiseaux, c'est des créatures de Dieu. Ils n'amassent rien, ils ne sèment rien. Vous voyez les oiseaux ici, là, c'est comme, il n'y a rien là, là. Nous, est-ce que nous, on est des créatures de Dieu? Pas juste ça. On est formés à l'image de Dieu. Est-ce que nous, on sème? Bien, Dieu nous a donné la capacité de travailler et de s'aimer, mais pas juste ça. Notre société est bien évoluée et il n'amasse rien. Dieu nous a donné une capacité tellement plus grande de garder nos ressources et l'intelligence aussi de les administrer. Parce que nous, on ne fait pas juste les garder, on les utilise au temps opportun. Et qu'est-ce que Dieu fait avec les oiseaux? Il les nourrit et il prend soin d'eux. Il pourvoit pour eux la nourriture. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit de nous? Ne valez-vous pas beaucoup plus? Ils ne disent pas autant ou peut-être juste. Non, beaucoup plus que les oiseaux. J'aime ici noter une petite particulière ici. Père céleste. Ils mettent l'accent sur papa. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énorme de voir un papa qui prend soin d'un enfant. Quand un enfant vient au monde, là, même il y a des papas, beaucoup de papas, qui préparent la chambre beaucoup d'avance. Et pas juste ça, il prend soin de maman. Après ça, quand le bébé vient au monde, on s'assure que la nourriture est là, la bonne nourriture, le style, la sorte de nourriture différente. Après ça, lui commence à grandir. Ben, papa est là, qu'il tient, il apprend à marcher. Après ça, ben, tranquillement, pas vite, le parler. On enseigne des mots, on explique les définitions des mots. Après ça, tranquillement, on le stimule à grandir. Il devient adolescent. Ça, c'est moins drôle. Non, c'est pas vrai. Il devient adolescent. Ben, il y a des défis différents. Mais papa et maman sont toujours là. Les pères sont toujours là. Et il prend soin jusqu'à rendu à l'âge adulte. Que ben, papa, des fois, il faut qu'il aide à l'autonomie, l'aide économiquement des fois. Donc, il prend soin. Et Dieu, notre Père céleste, il fait la même chose avec nous. Il dit en 2 Corinthiens, chapitre 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des filles. » Dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, on a vu déjà les oiseaux, mais Jésus, il en rajoute. Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Regardez les lys. On va regarder une petite vidéo ensemble pour comprendre un peu comment sont les fleurs, les lys. Magnifique, n'est-ce pas? Et quand je regardais cette vidéo, ça me venait à la tête presque de mettre au défi les couturières, des artistes, de faire quelque chose de si beau. En plus, ils ne filent, ils ne travaillent pas. Et Dieu, il les rêvait comme ça. Mais on a un exemple ici qui dit, cependant, je vous dis que Salomon... Pourquoi dit Salomon? C'est quoi l'histoire de Salomon? Je vous raconte l'histoire à cause que les temps filent vraiment vite. Salomon, on le connaît parce que c'est le fils de David, roi d'Israël, lui aussi roi d'Israël. Et en une rencontre phénoménale, Dieu lui apparaît en songe et il lui demande, je vais lire les versets parce que la demande que Dieu lui pose, il dit, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Disent, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Donc, imaginez dans la tête de Salomon, ils disent, OK, là, la personne qui a créé tout ça, là, les plus Dieu, là, Dieu, il me demande qu'est-ce que je veux. Dans ma tête, là, ça allait vraiment tourner tellement vite, je lui dis, oh, je vais prendre un couple de jours, une semaine, je vais réfléchir. Mais la réponse de Salomon est, oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mais le peuple est trop grand. Donc, j'aimerais, Seigneur, que tu me donnes un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer les biens du mal. Et cette demande de Salomon plaît au Seigneur, il dit le verset 10 dans les chapitres. Et vu que tu n'as pas demandé des richesses, la mort de tes ennemis, rien de tout ça, je vais te donner d'être les rois plus sages, mais pas les rois plus sages aujourd'hui. Les rois plus sages qu'il n'y aurait jamais, il n'y en a jamais eu en avant. Et dans le futur, tu veux rester les rois plus sages de toute la terre. Mais pas juste ça. Vu que tu ne m'as pas demandé la richesse, je te la donne. Vu que tu ne m'as pas demandé la gloire, je te la donne. Salomon était tellement glorieux là, qu'on peut lire dans le premier roi chapitre 10 qu'il y a une reine des pays alentours, la reine de Saba. Il va le visiter et je vais lire le verset parce que ça m'a presque ébranlé ce verset-là. La reine de Saba remarque la sagesse de Salomon. Elle voit les palais qu'il a construits pour lui, la nourriture qui est sur ses tables, les maisons de ses officiers, et elle voit aussi la qualité du service, les costumes de ses serviteurs. Et dit, quel privilège pour tes femmes et tous tes gens d'être en ton palais. Béni soit l'Éternel. La gloire de Salomon était tellement grande que la reine arrive, elle ne regarde pas, elle était donc bien habillée, ton palais. Il regarde les serviteurs. J'imagine une esclave dans le temps, là, et comme habillée avec des, je sais pas comment le dire, là, des vêtements tout sales. Là. Mais elle reste étonnée par les vêtements de ses serviteurs. Et Jésus, au verset 28, ici, il soulève la réflexion. Même pas Salomon, pas les serviteurs, même pas Salomon dans toute sa gloire. Donc, j'imagine le jour de son mariage, j'imagine quelque chose de glorieux. Donc, même pas Salomon dans toute sa gloire est habillé comme les fleurs que moi je vais habiller. Notre papa ne va-t-il pas nous donner en nous davantage? Donc, comme ça. Je vous invite ce matin à réfléchir sur la bonté de Dieu vraiment, sur considérer comme notre papa, il prend soin de nous. Et à chaque fois qu'on regarde la nature, les oiseaux, on les entend, là c'est la saison, les fleurs, on les voit. Vraiment de dire comme les psaumes, Éternel Dieu des armes, qui est comme toi, tout puissant? On va passer maintenant, les listes on l'a faite, on va passer à la deuxième. Notre inquiétude est inutile. Quand le verset dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » J'ai fait mes recherches, une coudée, c'est 18 pouces. 12, comme ça, à peu près. Là. À peu près. Et la signification dans ce verset-là, il me fait comme retourner un peu dans mon enfance. Avez-vous déjà joué à des jeux de table, que vous avez des sabliers un peu... comme ça, là. Et il faut que vous faites des tours de rôle, chacun de son tour. Et il faut comme jouer avec les sabliers pour voir si vous êtes dans le temps. Et quand j'étais jeune, moi j'étais si brillant, là, et je donnais des coups dessus là, quand c'était le tour de l'autre pour le faire passer plus vite. Ou comme de côté, là, comme ça, pour que les sables descendent plus vite. Mais peut-être, je vous dis quelque chose d'étonnant là, ce matin. Mais peut-être que vous n'avez jamais pensé que vous ne pouvez pas déjouer le temps. Si je compte plus vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est, le temps il passe toujours pareil. Si je ralentis, 1, 2, ils ne sont pas passés 2 secondes, là. Il est passé plusieurs. Donc, personne il peut déjouer le temps comme il veut. Ou en tapant sur la... sablier fait passer le temps plus vite, ou je brise une montre, j'ai arrêté le temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou je ne sais pas si vous avez vu les films, là, que lui avec une télécommande, il saute d'un événement à l'autre parce que lui contrôle les temps avec cette télécommande-là. Je vous dis la vérité, il n'existe pas une télécommande pour avancer ou reculer dans le temps. Et quand on s'inquiète, ça peut-tu changer quelque chose? Non, ça ne va rien changer dans notre vie. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire comme David y fait. Remets tes soucis à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laisserait jamais chanceler les justes. La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment de nous accrocher aux promesses de Dieu, de goûter de qu'est-ce que lui dit et de qu'est-ce que lui est dans nos inquiétudes. Et il y a quelques dimanches, le Seigneur, il m'a vraiment de réchauffer le cœur quand on parlait de ses œuvres dans la vie de Joseph. Et Joseph, il pouvait s'inquiéter quand il voulait, là. Ça ne changeait rien. Le Seigneur prenait soin de lui. Ou quand on a lu Deutéronome 31. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point et ne craint point. Et ne t'effraie point. On peut vraiment juste s'accrocher aux promesses de Dieu. L'inquiétude, là, ça ne change rien. On arrive à la troisième scène. Ça commence à changer un peu le film, hein? Les domaines commencent à prendre une forme différente. La troisième scène, on le voit, verset 32, notre foi est différente. Différente de quoi? Différente de qui? Car toutes choses, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Oh, on a un exemple ici que Jésus nous fait. Suivez-moi parce que je vais essayer de faire un gros portrait du discours de Jésus. On a vu au début, au verset 25, 6-25, et Jésus commence son discours avec un « c'est pourquoi ». Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer quelque chose, donc il avait dit quelque chose avant, et ils disent « c'est pourquoi donc, ne vous inquiétez pas ». Mais pourquoi il dit ça? Donc on va reculer un peu, verset 19 à 21, Matthieu 6. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, je lis en diagonale. » Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On saute au verset 24. Nul ne peut suivre deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Pourquoi les païens sont différents de nous? Je veux qu'on lit ensemble cette définition-là. Être un disciple de Jésus demande, on lit ensemble, une dévotion totale, un attachement et un amour sincère, accompagné aussi d'une foi unique en Dieu. Les croyants qui servent Dieu fidèlement croient aussi fidèlement que Dieu va rencontrer tous ses besoins. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ici? Il prend un exemple négatif. Il dit, faites pas comme les païens. Les païens font ça. Ils s'amassent des trésors sur la terre. Leur cœur, il va rester ici avec leur trésor. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne suivent pas Dieu. Ils ne croient pas que lui, il peut juste rencontrer tous ses besoins. C'est eux-mêmes qui vont aller les chercher. C'est eux-mêmes qui se donnent du trouble pour amasser des trésors. Mais ils vont rester ici avec leur cœur. Et même quand Jésus explique au verset 30, quand il dit « gens de peu de foi », c'est une expression que Jésus utilise souvent quand les disciples ils n'ont pas la foi dans les habiletés surnaturelles de Dieu. On peut le voir en Matthieu 8, 26 ou en Matthieu 14, deux événements qu'on connaît tous, que quand Jésus est sur la chaloupe et il y a la tempête, ben aux autres, ils tremblent, ils ont peur. Et Jésus, il dit, verset 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, ils se lèvent, menaçant le vent et la mer, et ils ont un grand calme. Ils disent, « Qu'est-ce que vous faites? Je suis là. » Matthieu 14, 31, Pierre, il est là, il sort de sa chaloupe, il se promène sur l'eau. Je l'ai essayé souvent de marcher sur l'eau, là, ça ne fonctionne pas. Même la semaine passée, j'étais avec les enfants à Magog, les lacs étaient, je ne dis pas glacés, mais il y avait une bonne épaisseur de glace. J'ai essayé de mettre mon pied, là. Je pense que j'avais une botte jusqu'au genou, mais j'ai essayé. C'est comme drôle parce que la glace a rebondi un peu. Mais quand la glace a casse, là, on tombe dans l'eau. Et Jésus a donné la permission à Pierre d'y aller. Pierre, il s'avance. Mais aussitôt qu'il perd le regard sur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il coule, il cale. Aussitôt, Jésus a tendu la main, l'a saisi et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » notre foi est différente. C'est intéressant de le voir comme l'inquiétude, on le voit ici, c'est une crainte non fondée d'une certaine éventualité. J'ai pris le verset de Hébreux 11 et je le mets juste en dessous. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez-vous, les drôles de comparaison entre les deux, on a une certaine éventualité d'un côté et des choses qu'on espère de l'autre côté. Seulement que d'un côté, on a quelque chose de négatif, une crainte non fondée, et de l'autre bord, on a quelque chose de, je dirais, divin, une ferme assurance. Comment on peut avoir une ferme assurance d'une chose qu'on espère? C'est juste Dieu. Je vous invite vraiment ce matin à prier le Seigneur, notre Papa, vraiment qu'il puisse renvigorer, changer nos pensées afin qu'on puisse avoir vraiment une ferme assurance en lui, parce qu'il est différent. On va passer à la quatrième scène. On a vu déjà trois scènes pour changer le domaine. La quatrième, c'est la deuxième partie du verset 32. Notre Père céleste connaît nos besoins. Ça, cette partie-là, ça m'ébranle vraiment. Là. Verset 32b. Votre Père céleste sait que vous n'avez de besoin. Il y a des traductions qui disent votre Père céleste, surtout celle anglais, sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Ici, les termes commencent à changer. J'ai visualisé ça. C'est plus manger, vêtir, c'est plus corps. Non. Disent choses. Commencent à grandir un peu. Et j'ai pensé que Jésus fait un discours. Il parle. Donc, on ne peut pas le diviser en chapitres, on ne peut pas le diviser en versets. Il y a comme un argument qui, lui, il tient et il continue à parler. Et un peu ici, c'est comme il passe à travers tous ces arguments et après ça, ils disent, votre papa, là, sait que vous en avez des besoins de tout ça, de tout ce que je viens de dire. Et là, on ouvre une grosse porte sur l'omniscience de Dieu, la tout-connaissance. Ça en prendrait des messages pour expliquer l'omniscience de Dieu, mais je vous invite vraiment à aller sur le site de l'Église et d'écouter les messages, parce qu'il y en a plusieurs, sur les perfections de Dieu. C'est vraiment magnifique comment on peut goûter vraiment de qu'est-ce que Dieu est. Et je lisais un auteur cette semaine qui s'appelle, un nom étrange, Skip Heidig. Et lui fait une très belle réflexion sur l'omniscience de Dieu. On va la lire ensemble. Ils disent, pourquoi ça nous dérange autant que quand quelqu'un nous appelle un petit Dieu connaissant? Pourquoi, selon vous, ça nous dérange tellement? Là? En tout cas, moi, ça me dérange vraiment beaucoup. Là. Mais parce que, c'est vraiment intéressant, nous ne connaissons pas autant de choses qu'on pense de savoir. C'était clair un peu? Nous ne connaissons pas autant de choses qu'on pense de savoir. La seule personne qui sait tout, mais vraiment tout, on peut la lire dans le psaume 139. On va le prendre ensemble. Psaume 139, verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà au Éternel. Tu la connais entièrement. C'est vraiment beau qu'ils disent entièrement. C'est pas tu connais un peu ma pensée, tu connais à peu près qu'est-ce que je veux dire. Tu connais à la perfection qu'est-ce que je veux dire. Monsieur Heidig, ils disent, Dieu connaît tout. Sa connaissance est immédiate et instantanée et sa mémoire est phénoménale. Donc, il connaît immédiatement et instantanément. Je pensais un peu, là, quand nous, on ne connaît pas quelque chose, là, qu'est-ce qu'on fait pour la plupart? Google. Hein? C'est pas vrai? Wikipédia. Quand on connaît, moi, quand je ne connais pas quelque chose, oh, attends, j'ai le cellulaire ici, là. Wikipédia. Dieu n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin d'école, encore moins, n'a pas besoin que quelqu'un y dise quelque chose. Il connaît tout de suite, immédiatement, et il connaît entièrement. Je vais vous dire un secret ce matin. On ne peut jamais dire quelque chose à Dieu que Dieu ne le connaît pas déjà. Et je veux qu'on se rappelle ça. Dieu est toujours plus grand que notre connaissance, même de lui. Si Dieu était assez petit pour rentrer dans notre cerveau, il ne serait pas assez grand pour nos besoins. Donc, il faut penser qu'on ne peut pas le comprendre, mais pour l'effet même qu'on ne peut pas le comprendre, ben lui va souffrir. C'est assez. Lui tout seul, c'est assez. Ça nous envoie ça à la... Ça, c'est le petit résumé. Nous n'avons pas à nous inquiéter parce que notre valeur est immense aux yeux de Dieu. Quand même assez petit. Hein? Notre inquiétude est inutile. Notre foi différente. Notre papa connaît tout. Cinquième, notre priorité, ce n'est pas ces choses ici, là, c'est Dieu lui-même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avez-vous déjà perdu quelque chose, un portefeuille ou des données sur un ordinateur? Ou avez-vous déjà désiré quelque chose vraiment fort? Cette chose-là, là, moi, je perds vraiment tout. Là. Dans ma vie, là, j'ai perdu de tout, des souliers, des clés, des portefeuilles, tout. Cette chose-là, quand on la perd, là, il devient la priorité. On met du temps, on met des ressources, activé dans la voiture. Les temps, ils passent et moi, je cherche la chose qui pour moi est devenue une priorité. Ici, c'est quoi notre priorité? Jésus, il nous amène. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Soyez attentifs à mes commandements d'abord et toutes ces choses. Je m'en occupe. J'ai écouté une prédication de John Piper qui parle de ces versets-là et c'était vraiment une exhortation à mon cœur. Il dit, quand Jésus parle, il dit, toutes ces choses dont tu as besoin, la nourriture dont tu as besoin, les vêtements dont tu as besoin, garde les lys, garde les oiseaux, mais à la maison aussi, les emplois, l'éducation que tu as besoin, la santé, oui, te seront données, mais pour glorifier le nom de Jésus. Il te donnera toutes ces choses pour vivre son royaume et suivre ses commandements. C'est étrange parce que dans ma tête, c'est comme si moi j'ai besoin de ces choses-là pour suivre Dieu. Mais c'est un non-sens, c'est le contraire. La priorité d'un croyant doit être de servir Dieu et tout le reste, Dieu va s'en occuper. Il faut peut-être que si Dieu me demande de réviser mes priorités un peu, et où mon trésor? On va arriver à la dernière. Notre journée est déjà pleine de soucis. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, on a vu déjà comme notre film commence à changer. Dans la dernière partie, je vais utiliser quelque chose d'un peu plus coloré pour que vraiment il nous reste cet enseignement-là. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai dû apprendre le français en guillemets, québécois, mais pas juste ça. J'ai appris qu'est-ce que ça veut dire passer un sapin. Lâche pas la patate. Ça veut dire quoi? Manger ses bas, cogner des clous. Et c'est une expression que pour moi, ça fait vraiment du sens là, quand on fait. C'est avoir ou monter de lait. Qui n'a jamais eu monté de lait? Fait, OK. Mais je veux en utiliser une pour que vraiment ça nous reste ce matin. Inquiète-toi pas pour demain. Fais-toi pas de sang de cochon. Parce que pour aujourd'hui, tu as déjà assez de brou dans les tupettes. Et j'espère vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, quand on entend l'expression « j'ai la brou dans les tupettes », on va aussi entendre que notre Père Céleste s'en occupe. Notre brou est là, mais Dieu va s'en occuper. Donc, je vais conclure ce matin juste en soulignant comme Jésus s'occupe de nous. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et ça, c'est la partie la plus belle. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, même celle de Salomon, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais vous raconter la fin du film. Malheureusement, là, il faut qu'on arrive au film, on va écouter la fin. Marie, là, de tantôt, elle est loin dans ses pensées. Là. Ce mari a juste dit, mon boss, il m'appelle. Elle n'a même pas dit, c'était grave, c'est pas grave, rien. Elle a juste dit, mon boss m'a appelé. Mais elle, ses pensées, c'est comme ça. Brouillée. Et personnellement, moi, là, je suis vraiment une personne inquiète, malheureusement. Et je vis des situations qui m'amènent à ça. Ils m'amènent à vraiment aller loin dans ma tête. Mais peut-être aussi comme église, nous, on vivons ça. Un nouveau bâtiment, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... inquiétant, pourrais-je dire. Et vous savez, dans notre tête, ça brasse, tout le temps. Mais on a un Père Céleste qui prend soin de nous. Le Père Céleste, il va prendre soin de moi, il va prendre soin de toi, il va prendre soin de nous comme Église. Et on lit d'ailleurs dans la Bible deux textes qui nous rappellent ça. On le trouve dans Romains 8 qui disent « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Notre papa, vraiment, il faut que ce matin, on s'en rappelle. Notre papa, qui avec son infinie puissance a créé les oiseaux, on va voir les lys dans les champs, et en prend soin de eux, de nous aussi. Notre papa qui connaît tout pour sa même nature, lui est la connaissance infinie. Il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de personne. Il connaît les passés, nous on n'était pas là. Les présents, on est ici, et les futurs, les choses qui il nous faut tourner. Notre papa, aux yeux duquel nous avons une valeur immense, on le lit ici, a donné par amour son propre fils. Tant on a vu l'amour d'un père envers un fils, lui l'a donné pour nous, pour l'amour que lui a envers nous, pour nous adopter comme fils, pour nous adopter dans sa famille, pour qu'on puisse l'appeler papa. Notre papa qui nous a donné une foi différente, une foi qui n'est pas comme les autres, une vie éternelle. Moi, je suis certain qu'il va prendre soin de moi. Et je suis certain qu'il peut prendre soin de vous. Toujours et à jamais, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu. Et devant ce passage-là, la seule chose que moi je peux faire, c'est vraiment de courber ma tête et de le remercier. On va prier ensemble. Oui, Seigneur, c'est vraiment un honneur d'être ton fils. C'est quelque chose de merveilleux, Seigneur. Comment tu as créé les oiseaux. Les lys des champs, Seigneur, ils sont belles, ils sont beaux. C'est magnifique, Seigneur. Et c'est juste un petit exemple de comment tu vas prendre soin de nous. Oui, Seigneur, je te prie pour l'Église de Victoriaville. Je te prie pour chacun qui est ici ce matin. Vraiment de venir voir nos besoins, Seigneur. Tu les connais. On ne peut rien te cacher, ni rien te dire, Seigneur, de plus. Tu nous connais, Seigneur. Vraiment, je te prie, Seigneur, que chacun de nous, notre priorité, puisse vraiment être ton royaume, ta justice, Seigneur. Et pour le reste, Seigneur, tu vas t'en occuper. Je te remercie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. On peut passer encore 10 minutes en prière.